défauts. C'est pas vrai, t'es un faux, t'es pas un mec du ghetto. Évite de nous faire croire que t'es un vrai mec du ghetto. J'ai vu de nous faire croire. C'est de nous faire croire que t'es vrai, or que t'es faux. C'est pas vrai, t'es un faux, t'es pas un mec du ghetto. Je vais le ghetto, mais tu sais que ce n'est pas nécessaire. Le VV, la thèse m'amène, c'est devenu sincère. Tandis que les petits frères de la cité grandissent avec la gourmandise et les terres-terres, quoi qu'on l'en dise, c'est la crise. Et les encombres, visent le bise et le dit dans le style, j'ai toujours le feeling. C'est à le bling bling, tout ce qui bouge avec des strings, fais pas le king. Surtout, c'est à vous de comprendre les choses que la rue m'a forgé. Sans doute, avec les âmes prêts à niquer toutes les victimes. J'hallucine que les frères n'ont même pas saigné. Tu sors de sa saignée, va te renseigner, j'enculais les majeurs que des miskines. Voilà, c'est que le dog, c'est moi, je respire le goût, vous êtes ouf, ça bouffe le temps de mon plaisir jusqu'à jeter des fous. Moi je suis qui reste tranquille, tu cherches un deal en tant qu'une n'importe quelle MC dans le rap limite se telle. Ce n'est pas un secret mais juste des séquelles. La vie du ghetto, tu sais que c'est spell. Évite les coups par ma gueule. Évite de nous faire croire que t'es un vrai mec du ghetto. Évite de nous faire croire. Essaie de nous faire croire que t'es vrai or que t'es faux. C'est pas vrai, t'es un faux, t'es pas un mec du ghetto. Évite de nous faire croire que t'es un vrai mec du ghetto. Évite de nous faire croire. Ne va pas que t'es vrai, or que t'es faux. C'est pas vrai, t'es un faux, t'es pas un mec du ghetto. Si tu me braques, faut tirer. Cousin, n'aboie pas. Délinquance à l'extrême, parce que la haine s'apprivoise pas. Libérer la hyène et tous les frères du carplat. 95, 9, 3, 45, c'est le darka. Flow chargé, le micro c'est le pushka. Si un keuf veut être ta tête, dégage de couche, gars. Mes petits soldats ont la pommade comme Dilax. Baisse d'état comme le DA, faut que nos entrées se dilatent. Souterraine, économie, parallèle, ça détaille. Comme eBay, on fait la maille, elle est parallèle. Y'a qu'à boire entre les assiettes et les aztèques. Mets deux tests avant la cassette, indépendante de la première plaquette. Fais pas le fou avec ton 9 mm. Négro, tu veux des sous, arrose la brinks avec un lance-roquette. On frise la perpète à chaque crime organisé. Pris en filature par des voitures banalisées. Évite de nous faire croire que t'es un vrai mec du ghetto. Évite de nous faire croire. Essaie de nous faire croire que t'es vrai or que t'es faux. C'est pas vrai, t'es un faux, t'es pas un mec du ghetto. Évite de nous faire croire que t'es un vrai mec du ghetto. Évite de nous faire croire. Essaie de nous faire croire que t'es vrai or que t'es faux. C'est pas vrai, t'es un faux, t'es pas un mec du ghetto. Ok, morsaille. Déterminé, truand de la galère. 45 LS, balastique, dos sur le son du terre-terre. J'arrive des terres, j'm'arrête pas. Liberté, égalité, fraternité, ça on n'y croit pas. C'est que de la vengeance, on veut notre part de gâteau. Même si j'ai déjà croqué sur le plus gros. Gros 6, bonjour, ramène-moi 450 Loki que j'suis tout. J'ai des bolos, tout de la France. Tourne autour d'un pas et tu te manges une bastos. Tous mes potos au hubs, c'est chaud. De passer au couscous jusqu'à la carmel. Un petit qui se mange un coup de crosse en pleine tête. Il nous reste plus rien que bicrave du bon shit, de la cam et faire du business. Toutes les portes sont bouchées. Et si elle embrouille, t'inquiète, on est débouché. Coupe, coupe, coupe sur la tête. T'es valable sur pleine tête. Ro, ro, ro, c'est mon moment sale. Je m'arrête pas, je suis déter. Je représente pour tous les mecs sur terre-terre. Le son du terre-terre jusqu'au bout de la terre. Je te ferai le tour avec un hélicoptère. Je fuck pas la France, mais tous les 6 sera sur terre. C'est morsaille, je représente le terre-terre. Je suis un people, tout le monde me prend photo. Mais ça se passe que au comico. J'étais gâté rien que par mes parents. J'étais puissant depuis mon enfance. Deux fois champion de France sans m'arrêter. Que de l'incarcération, mais ma tête allait brûler. Si là je me dis pas de m'arrêter, je m'arrête pas. Et je te jure j'arrive sur le terre-terre Capronia.